nous péchés ensemble. Et l'évangile, l'évangile, le Seigneur, j'ai nos péchés ensemble. Et l'évangile, Jésus, et l'évangile, le roi, j'ai nos péchés ensemble. Il est digne de régner. Dans les ordonnances mais condamné, il a effacé par son sang, il a déplié domination, principauté, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et les volés, l'évangile, le Seigneur, et l'évangile, tout puissant, j'ai le péché ensemble, magnifiant Jésus, et l'évangile, le Seigneur, j'ai le péché ensemble, et l'évangile, le roi, et l'évangile, tout puissant, j'ai le péché ensemble, mon âme bénit Jésus. Son trône au ciel, où la souffrance a goûté, il m'a délivré. Je suis libre à jamais, j'ai la vie éternelle, car Jésus vit en mon cœur. Les vents, les vents, les vents, et les vents, Jésus, que j'ai le péché ensemble. Il est le roi, il est bon Jésus, et l'évangile, le roi, j'ai le péché ensemble, glorifions les rois, et l'évangile, le Seigneur, j'ai le péché ensemble.